des lauriers rentre de Troyes, où il avait été nommé commissaire de la République. Il exhorte Frédéric à se présenter aux élections de l'Aube et à lui trouver une place chez D'Ambreuse. Mais Frédéric semble plus préoccupé par sa nouvelle maîtresse. Deslauriers se présente lui-même chez D'Ambreuse, qui lui confie un poste. Mais le banquier tombe malade très gravement et ne tarde pas à mourir sous les yeux de sa femme et de Frédéric. Ce dernier est tout heureux d'apprendre par sa nouvelle maîtresse qu'elle hérite d'une fortune colossale. Il ne lésine donc pas sur les funérailles. Mais, juste après, Madame D'Ambreuse lui apprend que son mari a tout légué à sa fille illégitime, mariée récemment à Martinon. Frédéric tente de la consoler par des preuves de son amour. Mais il doit mener une double vie, car Rosanette vient d'accoucher, jurant aux deux le même amour éternel, alors que dans son cœur, Madame Arnoux est toujours présente. Mais les malheurs se succèdent pour Rosanette. Poursuivie par la Vannasse pour impayé, elle apprend que son nouveau-né est très malade. Il meurt un soir, ce qui semble être un soulagement pour Frédéric. Pèlerin, venu peindre un portrait de l'enfant, apprend à Frédéric qu'Arnoux, risquant la prison pour dette, est prêt à s'embarquer avec sa famille pour l'Amérique. Frédéric court chez Madame D'Ambreuse réclamer la somme nécessaire à sauver Arnoux. Mais il lui ment sur le motif. Il est toutefois trop tard. Lorsqu'il veut lui rendre l'argent, elle a appris la véritable raison de cet emprunt et décide de se venger en recourant à Deslauriers qui se charge de vendre les dettes à Sénécal. Celui-ci ne tarde pas à faire mettre en vente les biens d'Arnoux. Croyant que Rosanette est à l'origine de cela, il la quitte. Mais le 1er décembre 1851 a lieu la vente aux enchères des biens d'Arnoux. Madame D'Ambreuse l'y amène, ce qui met Frédéric hors de lui. Il la quitte également alors qu'il était prêt à l'épouser. Il part pour Nogent le lendemain, espérant revoir Louise, mais lorsqu'il arrive, il la voit au bras de son nouvel époux, Deslauriers. Rentrant à Paris désespéré, il croise un attroupement avec Dussardier au milieu qui crie « Vive la République !» Il est tué par un dragon et Frédéric Béant, reconnu Sénécal.